et balayer mes larmes. Et mais pourquoi? En fait, on va où avec ce balançoir là? Oh maman, j'ai peur! C'est pas grave. Tombe! Allez, tombe, tombe, tombe! C'était joli au moins pour me chanter. Le chemin, on marche super en silence. Et je fais de tout mon corps. Mais je t'adore. On a parcouru du chemin. On a tenu à distance. Et je te hais de tout mon corps. Mais je t'adore. Viser la lune, ça me fait pas peur.